Pandemay, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar, par le baron Sylvestre de Sacy, édition de Bure, 1819. Markendanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique. Toutes les notes ne sont pas lues dans les fichiers audio. Se reporter aux éditions PDF WePub. Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Chapitre 1er. Louange de Dieu. Louange infinie au Dieu saint, qui a accordé le don de la foi à une poignée de terre, qui a animé Adam d'un souffle de vie, et a sauvé Noé des eaux du déluge. Par le commandement de sa force vengeresse, un vent impétueux a puni le crime du peuple d'Ad. Il a manifesté sa bonté, et il a changé, en faveur d'Abraham son ami, un foyer ardent en un jardin de roses. Il est ce maître tout-puissant qui, au lever de l'aurore, a renversé le pays qu'habitait le peuple de Lot. Un faible moucheron a puni le crime du rebelle audacieux qui avait lancé une flèche contre sa majesté. Il a enseveli ses ennemis sous les eaux de la mer, il a fait sortir un chameau d'une roche stérile. Le fer s'est amolli comme de la cire sous la main de David, par un effet de la protection du Dieu puissant et toujours subsistant. Il a donné à Salomon le trône et un empire absolu, les bons et les mauvais génies, par la vertu de son cachet, obéissaient à ses ordres. C'est Dieu qui a permis au ver de dévorer les chairs de Job, et qui a ordonné aux poissons d'engloutir Jonas. Il permet qu'un de ses serviteurs périsse sous le fer d'une scie, il met à l'autre la couronne sur la tête. Il est le maître souverain, il fait tout ce qu'il lui plaît, d'un souffle il peut anéantir un monde entier. C'est à lui qu'appartient un empire sans bornes, il n'est personne qui puisse lui demander compte de sa conduite, ou scruter les raisons de ses œuvres, il donne à l'un les richesses et les plaisirs, l'autre a en partage les chagrins et l'affliction, celui-ci reçoit de lui 200 bourses remplies d'or, celui-là expire, faute de pain, celui-ci est placé sur le trône, au milieu des grandeurs et des délices, celui-là n'a pas même de quoi apaiser la faim qui le dévore, l'un est vêtu d'hermine et de martre, l'autre est étendu tout nu dans un four. L'un repose sur des tapis de soie et d'étoffes précieuses. L'autre est ignominieusement couché sur la terre, exposé à toute la rigueur du froid et de la gelée. En un clin d'œil ce maître absolu peut bouleverser l'univers, sans qu'aucun être ose ouvrir la bouche pour se plaindre. Il accorde des poissons pour nourriture aux oiseaux de l'air, il peut élever les esclaves au fait de la souveraine puissance. Il donne la naissance à un enfant sans le concours d'un père, il fait parler celui qui est encore au berceau. Sa puissance rend la vie à un mort oublié depuis un siècle. Quel autre que lui peut opérer ses merveilles ? Il est l'artiste tout-puissant qui de l'argile fait des monarques redoutables. Dans sa main les astres se changent en pierre, pour faire subir aux génies indociles la peine de leur rébellion. Il fait sortir l'herbe du sein d'une terre aride, et c'est encore lui qui conserve les cieux. Il ne partage avec personne la puissance de son trône. Sa voix n'est point un son, ni un langage qui frappe l'oreille. Chapitre 2. Éloge du prince des envoyés célestes. L'illustre apôtre des croyants est le prince du monde présent et du monde futur, il est le sceau des envoyés du Très-Haut, le dernier dans l'ordre des temps, il est la gloire de tous les prophètes qui l'ont précédé. Dans sa glorieuse ascension, les neuf cieux lui ont servi d'échelon, les prophètes et les saints ont eu recours à son intercession. C'est par miséricorde pour l'univers que Dieu a donné l'être à ce prophète. Toute l'étendue de la terre était le sanctuaire où il adorait la divinité. Abou Bekr et Omar ont été ses fidèles compagnons, l'extrémité de son doigt a séparé en deux parties l'astre de la nuit. Abou Bekr a partagé avec lui l'asile d'une caverne, Omar a commandé les bataillons des saints. Othman et Ali ont eu part à son amitié, c'est pour cela qu'ils ont succédé à sa puissance. Othman était une mine de douceur et de modestie, Ali était la porte de la ville de la science. Hamza et Abbas, qui se sont distingués par la pureté de leur conduite, étaient les oncles paternels de cet envoyé céleste, le plus excellent des mortels. Que chaque instant de notre vie soit consacré à honorer et à bénir mille fois sa mémoire et celle de sa race et de ses compagnons. Chapitre 3. Éloge des principaux imams ou docteurs de la religion musulmane. Que la miséricorde du Seigneur se répande sur tous ces glorieux imams qui ont travaillé avec zèle pour l'honneur de la religion. Abou Hanifa, cet imam dont la pureté est sans tache, a été le flambeau du peuple de Mahomet. Que la grâce du Tout-Puissant n'abandonne jamais son esprit, et que les âmes de ses disciples soient éternellement comblées de joie. Abou Yousouf, le chef de la justice, a été son ami, et Mohammed a obtenu les bonnes grâces du Dieu bienfaisant. Chafi'i, fils d'Edris, Malek et Zophar ont augmenté la gloire et l'éclat de la religion de Mahomet. Que leurs âmes jouissent de la félicité, au premier rang, dans le jardin de délices. Que l'édifice de la religion soit toujours soutenu par leur science. Chapitre 4. Effusion de cœur et prière. Roi puissant, daigne nous pardonner nos fautes. Nous sommes pécheurs, et tu es indulgent. Tu ne fais que le bien, pour nous, nous avons commis l'iniquité, nous nous sommes rendus coupables de fautes infinies et sans nombre, nous sommes demeurés une longue suite d'années dans une révolte criminelle, et nous avons commencé trop tard à nous repentir de nos iniquités passées. La nuit et le jour, nous nous sommes livrés au crime, nous avons oublié que ta vengeance doit un jour saisir les coupables. Note. Allusion à ce passage du Coran 55-41. En ce jour-là, les pécheurs seront reconnus à leur marque distinctive, et on les saisira par le toupet et par les pieds. Fin de la note. Nous avons croupi dans les liens d'une révolte criminelle. Nous nous sommes laissés entraîner par la concupiscence et par Satan. Chaque instant de notre existence a été marqué par de nouvelles fautes. Nous n'avons point obéi une seule fois à tes lois, avec un cœur soumis et satisfait. Voici un esclave fugitif qui s'approche de ta porte. Sa désobéissance a couvert son visage de confusion. Il espère obtenir de ta bonté le pardon de son crime, c'est toi-même qui as commandé à tes serviteurs de ne point s'abandonner au désespoir. Note. Suivant ce texte du Coran 39-53. Serviteurs de Dieu, qui avez perdu vos âmes par votre iniquité, ne désespérez pas de sa miséricorde, car il n'est point de péché dont il n'accorde la rémission, il est clément et miséricordieux. Fin de la note. L'océan de ta bonté et de tes grâces ne connaît point de limite, Satan seul n'a rien à espérer de ta miséricorde. Ô bienfaiteur généreux, mes passions, d'accord avec Satan, m'ont dressé des embûches sur le chemin, mais ta bonté intercédera elle-même en ma faveur. Avant de me réduire à la poussière du tombeau, tu daigneras, je l'espère, me purifier de mes péchés. Au jour où tu sépareras mon âme du corps auquel elle est unie, Tu me retireras de ce monde avec la lumière de la foi.